L'interdiction concerne l'arrêt, réponse A, le stationnement, réponse B, ce sens de circulation, réponse C, le sens de circulation inverse, réponse D.